principale artère de Kinshasa, le boulevard du 30 juin déborde généralement d'activité. Mais ce lundi, la capitale congolaise est presque vide. Des milliers de gens ont répondu à l'appel à la grève lancé par l'opposition. Résultat, des magasins fermés et une ville qui tourne au ralenti. Nous avons décidé de suivre l'ordre lancé par notre leader, Félix Tshisekedi. Nous voulons montrer au président Kabila que nous aimons Tshisekedi et que nous le soutenons. Cette opération ville morte vise à faire pression sur le président Joseph Kabila, toujours au pouvoir, alors que son mandat s'est terminé en décembre. Pour tenter d'apaiser les tensions après plusieurs manifestations violentes, un accord a été négocié par l'Église catholique le 31 décembre dernier. Le but, former un gouvernement de transition et organiser des élections avant fin 2017. Mais son application est aujourd'hui bloquée après la décision des évêques de se retirer des pourparlers la semaine dernière. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement n'est toujours pas formé et chaque parti accuse l'autre de ne pas respecter ses engagements. Le message d'abord, le principal, c'était d'abord d'exiger la mise en application, la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Le second était aussi un message politique pour dire que le rassemblement n'est pas mort. Le rassemblement avait besoin de cette démonstration de force. L'opposition dans une démocratie n'a pas pour rôle de faire des villes mortes ou d'envoyer des jeunes dans la rue pour casser. Faire des villes mortes alors que nous connaissons une situation économique particulière, aujourd'hui, n'aide en rien le pays. L'appel à la grève a été suivi dans d'autres villes à travers le pays, à Lubumbashi, Goma ou ici dans la ville de Beni, où seul un magasin sur cinq était ouvert ce lundi.